les connexions se font. Why not? Royal, Hugo le Baron. Allons-y pour 2012. Le maillon dominant remonte la chaîne alimentaire. Ouais. Êtes-vous prêt pour l'impact? Êtes-vous prêt pour le cratère? Je suis le créateur et voici ma création. Mes textes n'ont rien à voir avec l'imagination. Ce n'est pas du bidon, c'est la dure réalité de la pauvre population, des quartiers défavorisés. D'où naît la corruption? On a été laissé pour compte de ce qui me rend irascible. Je suis l'exemple parfait d'un truand en action. Tout m'est possible sans rétention. Même si je lis la Bible, je pompe mon double canon pour arriver à mes fins. Mon langage compréhensible, pas du jargon. La fin des temps approche, alors j'accumule les provisions pour ma future génération. Mes deux enfants sont innocents dans cette situation, alors je leur épargne le pire, fini la récréation. J'essaie de bâtir un empire pour mes rejetons. Je vis le martyr, prêt à mourir pour ma cause. Vivre pour souffrir, mais ma tête me dit debout, lève-toi, n'abandonne pas le combat. Impossible de défier mon clan, on est un régime de criminels délinquants. C'est chaud, la sauce est chaude dans le ghetto, la merde se fait à un haut niveau. Putain, c'est chaud, la sauce est chaude dans le ghetto, la merde se fait à un haut niveau. Putain, c'est chaud, la sauce est chaude dans le ghetto, la merde se fait à un haut niveau. Putain, c'est chaud, la sauce est chaude dans le ghetto, la merde se fait à un haut niveau. Royal diamanté de blonde à ses côtés, toujours en train de se saouler, toujours la chatte mouillée. Gangster, j'fume de l'herbe comme un rasta, un jet le même besoin d'au moins 10 000 dollars par semaine. Et notre m'a dit, veux-tu faire de l'argent? Bien sûr, mais je suis un criminel à plein temps. Voyons Royal, je parle de vivre comme un lion. 1, 2, 3, 4 millions. J'dépose mon fusil, j'dépose mon Glock, j'collecte le reste d'argent qui me reste dans le bloc. Et j'donne mes armes, et j'donne mes munitions à la relève, à l'autre génération. J'rêve d'avoir une montagne de fric. J'ai des grosses couilles comme les rois des tribus d'Afrique. J'commets un crime chaque fois que j'crée ces rimes. L'enfant me décéline, j'puise mes forces dans mes racines. Bandit nocturne, ça se voit que j'ai l'attitude de la rue. Si tu me testes, j't'allume. J'balance mon son dans ta figure. Musique, sexe, violence, Mercedes, arme, diamant. Putain, c'est chaud, la sauce est chaude dans le ghetto, la merde se fait à un haut niveau. Putain, c'est chaud, la sauce est chaude dans le ghetto, la merde se fait à un haut niveau. Putain, c'est chaud, la sauce est chaude dans le ghetto, la merde se fait à un haut niveau. Putain, c'est chaud, la sauce est chaude dans le ghetto, la merde se fait à un haut niveau. Malade mando, mafioso, tous des pros, mon gros, on fait aller les autos sur ces putains gros, c'est chaud. Hugo le patron, Wynock et Royal, Montréal Nord, Mid-Sud, on sort du coffre-fort, les mitraillettes, Uzi pour la guerre, piston, les pompes, allons, canon, la lame de rasoir dans la boîte de nuit, sous ma langue, comme un latino-américain, Nieta de Los Angeles. Devant les HLM, tu sais que les Cadillac escaladent ton carré. Royal en sort diamanté, brinqué de 15 000 euros sur son poignet. Une Omega de même valeur sur le mien. Tu constates le genre de nègre avec qui je trimballe. James Lesbro, tous des tueurs certifiés, mais légal dans le rap, mon poteau. L'ancien voyou criminel dangereux en Range Rover. Suspension hydraulique qui s'adapte à la route. À fond la caisse, en écoutant Mac Tailleur, tout en brûlant l'herbe. Dans le compartiment secret, il y a deux rougeurs, l'air craqué. Putain, c'est chaud, la sauce est chaude dans le ghetto, la merde se fait à un haut niveau. Putain, c'est chaud, la sauce est chaude dans le ghetto, la merde se fait à un haut niveau. Putain, c'est chaud, la sauce est chaude dans le ghetto, la merde se fait à un haut niveau. Putain, c'est chaud, la sauce est chaude dans le ghetto, la merde se fait à un haut niveau.